Frisson d'angoisse par Paul de Garros. Les 12 coups de midi venaient de jeter dans la rue les employés de la banque Bonneau. Pendant que, dans la foule affairée du faubourg Saint-Denis, ils se dispersaient dans toutes les directions, courant à leur déjeuner, souriant aux 12 heures de liberté que le patron leur avait octroyées pour fêter cette mi-carême ensoleillée, M. Anselme Bonneau, fondateur et directeur de la banque qui portait son nom, s'attardait dans son cabinet en compagnie de Mademoiselle Valentine Hubert, sa dactylographe, afin de terminer l'expédition du courrier. Et le gardien, Prosper Lechat, flânait philosophiquement à travers les bureaux, attendant que le départ des deux retardataires lui permît de baisser le rideau de fer de la devanture. Soudain, comme M. Bonneau, ayant relu la dernière lettre, l'attendait à la jeune fille pour qu'elle la mît sous enveloppe, le bruit sec d'une porte claquant sur le mur les fit sursauter. « Qu'est-ce qu'il y a ? » fit M. Bonneau. « Prosper n'est donc pas là ? Si vous alliez voir, Mademoiselle Valentine ?» La jeune fille sortit du cabinet et presque aussitôt un cri lui échappa. « Oh, le pauvre vieux, qu'est-ce qu'il a ? » « Mais il est évanoui. »« Prosper, vous n'avez donc pas entendu ? Aidez-moi à le relever, voyons !» À l'appel de Valentine, le gardien accourut et aussi le banquier. À eux trois, ils eurent au fait de relever et de porter sur une banquette l'homme qui s'était affalé sur le parquet de la salle. Un vieillard de 70 ou 75 ans peut-être, à la barbe de fleuve, aux vêtements sordides, aux cheveux embroussaillés. Il ne tarda pas d'ailleurs à ouvrir les yeux, mais ses idées sans doute n'étaient pas encore très nettes, car il bredouilla un murmure indistinct, une phrase incompréhensible. « Qu'est-ce qu'il raconte ? » demanda le banquier. « Je ne sais pas, » fit la dactylographe. « Ce n'est pas du français, ça, » observa Prosper Lechat. « Quelle que soit la nationalité de ce pauvre vieux, » reprit Valentine, « nous ne pouvons pas l'abandonner. »« Mais nous ne pouvons pas non plus le recueillir ici, » interrompit le banquier. Le vieillard, dont les yeux étaient entr'ouverts, avait évidemment repris connaissance, mais ne paraissait pas comprendre un mot de ce qui se disait autour de lui. En tout cas, il demeurait impassible. Monsieur Anselme Bonneau essaya de lui poser quelques questions. « D'où venez-vous ? Comment vous appelez-vous ? Où habitez-vous ? » Mais soit qu'il ne comprît pas le français, soit qu'il préféra ne pas répondre, l'inconnu resta muet. « Voyons, il faut prendre un parti, » poursuivit le banquier. « Nous ne pouvons pas nous éterniser ici. Quand un être humain est malade dans la rue, on le ramène à son domicile, s'il en a un et si on peut le reconnaître. » Dans le cas contraire, on le mène à l'hôpital. Moi, je n'ai pas le temps. J'ai des amis à déjeuner et je vais même être très en retard. Moi, je n'ai pas le temps non plus, déclara le chat. Il faut que je ferme le magasin et que je mette tout en ordre ici avant de partir pour Montgeron où j'ai promis de passer à la mi-carême avec mes enfants. Alors, mademoiselle, reprit le banquier, vous pourriez peut-être vous charger de conduire ce pauvre vieux à l'hôpital. On l'acceptera certainement à la Riboisière et c'est tout prêt. « Vous ne perdrez pas beaucoup de temps. »« J'y vais, » répondit simplement la jeune fille. « C'est un devoir de charité que je ne veux pas laisser à d'autres. » 2 minutes plus tard, dans un fiacre que Prosper avait arrêté au passage, le vieillard et la jeune fille roulaient vers l'hôpital, tandis que Prosper, pressé de raconter cette aventure à la concierge, faisait, avant de rentrer dans le magasin, un petit crochet jusqu'à la loge. M. Anselme Bonneau allait rentrer dans son cabinet pour prendre son manteau et son chapeau, lorsque, près de la porte, il avisa un paquet enveloppé dans une vieille tapisserie en loques. « Tiens, qu'est-ce cela ? » fit-il. « Sans doute le baluchon de ce pauvre vieux. » Pour se rendre compte, il souleva le ballot. Mais la corde qui le liait se rompit, et un fouillis d'étoffe chatoyante se répandit sur le plancher. « Oh, mais c'est un trésor qu'il possède là !» Sans s'en douter peut-être, ce vieux mendiant. Des soieries d'Orient, des broderies délicieuses. Et voici une robe d'une incomparable richesse. De quelle origine au juste ? Arménie, Kurdistan, Géorgie ? En tout cas, c'est une pure merveille. Soudain, le banquier, se frappant le front, s'écria. « Mais voilà l'affaire d'Arménia pour le bal travesti de ce soir. Elle qui a tant cherché depuis 15 jours... et qui n'a pas trouvé dans tout Paris la robe rêvée, la robe lui rappelant son pays, son cher Choucha. Quelle joie pour la chère enfant de pouvoir satisfaire son caprice. En un clin d'œil, la résolution du banquier fut prise. Il refit le paquet, l'attacha avec une ficelle neuve qu'il alla chercher dans son bureau en même temps qu'il prit son manteau et son chapeau, puis, chargé du ballot, s'avança au bord du trottoir. Un taxi passait. Il y sauta, en jetant au chauffeur son adresse, 118 boulevard Malesherbes. C'était là, dans un cadre somptueux, que M. Anselme Bonneau, marié depuis peu, habitait avec sa jeune femme, la belle Armélia, une brune géorgienne de 26 ans, dont la tyrannie égalait la beauté. Le banquier avait ce matin-là quelques invités. On l'attendait pour se mettre à table. Après s'être excusé pour le retard, il tint à communiquer tout de suite à sa femme la bonne nouvelle. « Tu sais, ma chérie, j'ai enfin trouvé pour le bal travesti de ce soir la robe que tu rêvais. Comment cela, puisque nous avions cherché inutilement partout? C'est une aventure extraordinaire. Je te la conterai plus tard. Pour l'instant, contente-toi de profiter de l'aubaine. La robe est dans ta chambre et ta fidèle Ogulka m'a confié qu'avec quelques retouches insignifiantes, elle tirait parfaitement. » Armélia, que l'émotion et la joie suffoquaient, ne put que remercier son mari par un sourire adorable qui le mit aux anges. Naturellement, dès que le déjeuner fut terminé, Armélia, accompagnée de la seule femme qu'il eut parmi les invités, n'eut rien de plus pressé que de se rendre à sa chambre et de revêtir la robe merveilleuse qu'elle reconnut en effet pour un produit de la Géorgie, sa patrie bien-aimée. Alors, ce fut du délire. Jamais Armélia n'aurait osé rêver plus splendide décor pour sa divine beauté. Elle passa l'après-midi à se contempler dans sa psyché, drapée dans la somptueuse étoffe, trouvant toujours, de ci de là, quelques modifications à faire pour que l'ensemble fût parfait. Et le soir, son triomphe fut éclatant. Elle fut la reine du bal. Armélia avait réalisé son rêve, Armélia était heureuse, et Anselme Bonneau croyait n'avoir qu'à se féliciter de son ingénieuse inspiration. Hélas, toute médaille à son revers. Le lendemain matin, le banquier arriva à ses bureaux avant tous ses employés. Il avait fait remplacer la robe merveilleuse par une robe de bal, magnifique également, que la fidèle Ogulka, sur son ordre et à l'insu de sa maîtresse, avait prise dans la garde-robe d'Armélia. Il était à peine installé devant sa table de travail quand Mademoiselle Valentine Hubert entra. « Je viens de bonne heure, » expliqua la dactylographe, « parce que je vais aller voir mon protégé à l'hôpital. Il est bien malade, le pauvre vieux, et hier, l'interne de service, sans se prononcer catégoriquement sur la nature de sa maladie, ne m'a pas caché qu'il le considérait comme perdu. Mais son état ne l'inquiète pas, lui, le pauvre mendiant. Ce qui le tracasse, c'est d'avoir oublié hier, ici, son baluchon, dans lequel il y a, paraît-il, une robe magnifique qu'il rapportait de la Géorgie, son pays, à sa fichérie, restée en France. » Anselme Bonneau ne put dissimuler un geste d'émoi, mais s'étant tout de suite ressaisi, il balbutia. « Eh bien, voici le ballot, vous n'avez qu'à le lui porter. Ah, il va être bien content, le pauvre homme. Il m'avait tant recommandé de ne pas l'oublier. Alors je serai ici dans un instant. Je ne fais qu'aller venir. Vous voudrez bien m'excuser ?» une heure et demie, 2 heures s'écoulèrent. La dactylographe ne revenait pas. Le banquier commença à s'étonner et à s'inquiéter. Quand Valentine apparut enfin, elle était pâle, défaite, tremblante. « Monsieur, monsieur, cria-t-elle, venez vite, il faut vous faire vacciner sans retard, autrement. » « Mais quoi, qu'y a-t-il ? » interrompit M. Bonneau ahuri. « Le pauvre mendiant est très mal. Il ne m'a pas reconnu. Il a la variole noire et c'est la fin. Les médecins disent qu'il ne passera pas la journée. Allons, venez vite, vous faire vacciner. Moi, c'est déjà fait. C'est ce qui m'a retardé. Vous comprenez ? Nous sommes certainement contaminés tous les deux. Il faut prendre immédiatement toutes les précautions. Mais qu'avez-vous ? Un malaise ? Vous vous trouvez mal ? » Le banquier raidi, crispé sur son fauteuil, était en effet livide. Il ne put prononcer qu'un mot. « Armélia, ma pauvre Armélia !» Et il perdit connaissance. C'était « Frissons d'angoisse » par Paul de Garros.